délicieuse, langoureuse, ma berceuse. Te séduire, t'envahir de désir. Je t'apprends, tu m'entreprends délicatement. Et ton corps réclame mon corps jusqu'à l'aurore. Demain, je me livre à ton ivresse. Viens et délivre-moi. Je m'offre à la caresse de ton corps sur moi. Indolente, affolante, elle m'enchante. Tes caresses me transpercent et me laissent. Pantelante et haletante, presque insolente. Tous tes gestes sur moi délestent les restes du passé. Je me livre à ton ivresse, viens et délivre-moi. Je m'offre à la caresse de ton corps sur moi. Érotique, électrique, éclectique. Toi tu joues, moi je boue des bulles de nous. Indécente, la vague dansante me prend marpente. Moi je joue et toi tu boues.